La critique elle est bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, c'est mon médicament. J'dois rencontrer la somme, somme, somme, somme, somme, j'suis dans le bâtiment. Je ne réponds plus au fol, fol, fol, fol, fol, j'suis en mode avion. J'dois détourner des tonnes, tonnes, tonnes, tonnes, tonnes, comme un gros trafiquant. J'ai mis le game à quatre potes. Ah ouais. J'ai bossé comme un pat-pat. Ah ouais. Il manquait sur la cuenta. Ah ouais. J'ai balafré le comptable. Ah ouais. La marchandise est cachée dans le coffre de mon bolide allemand. On bat la mort en sachet, on fait le business, pas pour illégalement. Quand on tire, on vise à distance. Ah ouais. Tu m'as trahi, je suis distant. Ah ouais. J'ai toujours gardé la prestance. Ah ouais. Sur YouTube, je suis en tendance. Ah ouais. J'fume la frappe, j'écoute un son de Bob Marley. Les chemises sont de passage, ça crie ouais, ouais, ouais. Le guetteur crie aha, il faut cavaler. J'emballe le cellophane, j'me barre à cavaler. La critique elle est bonne, bonne, bonne, bonne, bonne. C'est mon médicament. C'est mon médicament. J'dois rencontrer la somme, somme, somme, somme, somme. J'suis dans le bâtiment. Et j'passe la main. Je ne réponds plus au fol, fol, fol, fol, fol. J'suis en mode avion. Je vais te bombarder. J'dois détourner des tonnes, tonnes, tonnes, tonnes, tonnes. Comme un gros trafiquant. Narco-trafiquante. Manque d'oseille, maison dehors, j'fais partir des savants. J'étais pas un savant, j'étais pas fort au ballon. On connaît la chanson, mais ils veulent m'emboucaner. J'suis même pétard avec Chinois à la rue décalée. Faut que je trouve un petit pour l'envoyer en mission. J'peux pas bouger d'ici, j'suis en train de ravitailler. Le client me rend fou, j'ai envie de le baffer. Le gérant à l'affût, j'le vois pister affolé. J'ai pris le nid du fol, à ce qu'elle veut papoter. Elle m'appelle pour le shit ou les billets colorés. C'est peut-être une condé, parano j'ai des idées. Si demain je me fais péter, je vais prendre plus que 6 années. Dans les recettes, j'accélère les flics au cul. J'écris sur l'iPhone X, un morceau et une instru. Claquette arena, plein été je marche dans la rue. Au trou du cul, tu l'as fumé jusqu'au cul. La critique elle est bonne, bonne, bonne, bonne, bonne. C'est mon médicament. C'est mon médicament. J'dois rencontrer la somme, somme, somme, somme, somme. J'suis dans le bâtiment. Et j'dois seulement. Je ne réponds plus au fol, fol, fol, fol, fol. J'suis en mode avion. J'vais te bombarder. J'dois détourner des tonnes, tonnes, tonnes.